bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Rock de Neurones, une émission aujourd'hui qui est consacrée au rock progressif qui nous vient de l'Argentine. C'est dans la même lignée que les émissions spéciales qu'on a faites dans le passé, là, notamment les trois émissions spéciales sur l'Italie. On a eu aussi une émission spéciale sur la Turquie, une autre sur la Finlande et la plus récente, mais c'est sur l'Espagne. Et dans le même ordre d'idées, on va faire le tour de la planète prog dans ce pays-là. Alors, si on va du côté de la base de données, juste pour voir qu'est-ce que l'Argentine a comme contribution sur la scène du rock progressif, bien, moi, j'ai répertorié 312 groupes sur un total de 21 232. Donc, c'est assez marginal. On parle ici d'une représentativité de 1,5%. Et parmi les 16 sous-genres du rock progressif, bien l'Argentine en couvre 16. Alors 16 sur 22. Et les plus importants sont le crossover avec 23%. Donc il y a 23% des 312 groupes qu'il y a dans la base de données qui s'adonnent au rock progressif crossover et 13% sur le jazz fusion. Alors, toutes les autres, ben, c'est réparti sur 14 sous-genres, dont le métal. Il y a un groupe de krautrock, il y a du folk-prog, il y a plusieurs groupes de folk-prog, il y a du heavy. Alors, symphonique aussi. Aujourd'hui, ben, sur les 312 groupes, je vous en propose 12, je les nomme ici, c'est Redland, Alas, Bubu, Lalo Hubert, Nexus, Uranian, Lachesis, Exatonica, Estratagema, Genetes Negros, Bad Dreams et Kenturb. Alors, on débute ça avec Redland, qui est un groupe qui, dans le fond, a un seul album studio. C'est paru en 2004. L'album s'intitule « De Tiempos Pasados » et la pièce que je propose, c'est « Grito ». Ensuite, on va aller avec Alas et un extrait de l'album éponyme paru en 2016, c'est-à-dire en 1976. Et on va aller voir après ça le groupe des groupes argentins, c'est Bubu, qui a fait un album historique là, en 1978. Annabellas. Ils ont été silencieux pendant 40 ans avant de produire l'année dernière ou en 2018, c'est-à-dire El Eco del Sol. Mais on va aller du côté de 1978 et la pièce qu'on va entendre, bien, c'est El Cortejo de un Día Amarillo. Alors on débute ça avec Redland. Thank you. Y mi madre êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurone qui aujourd'hui est consacrée au rock progressif de l'Argentine. Et on va entendre Lalo Hubert. Lalo Hubert qui est le claviériste de la formation Nexus. Il a un album studio à son actif qui est paru en 2009. Alors l'album s'intitule Lost in Kali Yuga et la pièce que je vous propose c'est The Entangled World. Et bien... Pour être conséquent, on va faire un enchaînement avec le groupe Nexus, qui lui a 7 albums studio à son actif entre 1999 et le dernier qui est paru, bien, c'est en 2017. L'album s'intitule En el Comendio del Topos Uranos. Et la pièce qu'on va entendre, bien, c'est Los Sacerdotes Malignos. Et pour conclure, on aura Uranian, un groupe qui a fait un album studio en 2011. L'album s'intitule La Ciudad de los Sueños. Et la pièce que j'ai extrait pour vous, c'est Zero Bytes. Avant de passer à la partie musicale, juste un petit rappel que toute l'information concernant les albums, les titres des pièces et les noms des musiciens, bien, c'est sur la page Facebook de Rock de Neurone. Thank you. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour le troisième bloc de cette émission spéciale de Rock de Neurones consacrée au rock progressif d'Argentine, on aura le groupe L'Aquesis. L'Aquesis qui est quand même assez récent sur la scène du rock progressif avec un début en 2013 et à l'occasion, mais c'était un album homonyme, donc L'Aquesis. Et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce Hamakamatic. Ça sera suivi de Exatonica. Exatonica, qui lui aussi est un groupe assez récent. Le premier album en 2006 et le deuxième en 2012, El Visionario. Et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce Visionario. Et pour conclure, ben c'est aussi un nouveau groupe des années 2010. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse ici pour mentionner que dans ma recherche archéologique, là, je pourrais dire ça, de la musique de l'Argentine, j'ai trouvé beaucoup de groupes dans les années 70, mais une absence presque complète là dans les années 80 et 90, et c'est seulement vers 2005-2010 que les groupes ont recommencé à apparaître avec une touche un petit peu plus moderne, bien entendu, dans le crossover et dans la fusion. Alors, dans cette optique-là, puis on a le groupe c'est-à-dire Estratagema, qui, lui, a sorti un album en 2015, un seul album. L'album s'intitule « Canciones Muertas ». Et ce que je vous propose, bien, c'est Granizo. Alors, on débute ça avec L'Aquesis. We'll be right back. l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Voilà donc rendu au dernier bloc de cette émission spéciale de Rock de Neurones qui est consacrée au rock progressif qui nous vient d'Argentine. Et pour débuter, on va aller avec un groupe connu qui s'appelle Jinetes Negros. C'est un groupe qui a débuté en 2000 et jusqu'à aujourd'hui, ils ont 5 albums studio à leur actif. Mais pour l'émission d'aujourd'hui, c'est pas une pièce qu'on va prendre dans leur catalogue. C'est plutôt extrait de Decameron 10 Days in 100 Novelas. Ça, c'est un album concept de la compagnie Colossus, là, avec beaucoup d'artistes invités. Il y a 4 CD sur cet album coffret-là. C'est le deuxième d'une série de 3 coffrets, donc en tout 12 CD. Alors, Jinetes Negros apparaît assez régulièrement et ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est Sixth Tale, la fable numéro 6. Ensuite, on va aller du côté de Bad Dreams. Alors, c'est mon ami Paul Beaudoin de Shawinigan qui va être bien content parce que c'est un de ses groupes préférés. Et on va aller dès le début de la formation en 2015 avec l'album Apocalypse of the Mercy. Et la pièce qu'on va entendre, c'est la pièce titre de l'album. Et on va conclure avec Canterb, une chanson assez calme, extraite de l'album Flutter. Et la pièce s'intitule « A la orilla del tiempo ». Alors, on débute ça avec Jinetes Negros. Pero bestia fue tu pecho y la tierra fue tu I was born close to the edge of the rainbow. On the tide, down to the mountains, deep blue sea. Far away, all of the muses are calling. To the dark, hanging around our destiny. I can fly over the raindrops and fallings, over the distance the day will see, over the nights and the shades. I can pray no one destroys these horizons, nothing disturbs my eternity. Take me away from the angels of death. Hunger and shadows are waiting. On the line, built in the fire of dying dreams. I must face all of the love that it's drowning. At the night, lost in the clouds of the falling skies, I could fight over the raindrops and fallings, over the distance the day will see, over the nights and the shades. I should pray no one destroys these hills. Ce que vous venez d'entendre, j'ai oublié de le mentionner en début de bloc, c'est la formation Canturb qui a 5 albums, en fait 2 albums en 80 et 83, et il y a eu une longue éclipse là, de 25 ans. Ils sont revenus en 2008 et depuis ce temps-là, il y a 3 albums qui sont sortis, dont le plus récent qui s'intitule Flutter, et c'est extrait de cet album-là que vous avez entendu de la pièce à la Orilla del Tempo. Et ça, ben, ça met fin à la programmation musicale de cette émission.